L'argument du hadith de Mu'adh. Les égarés utilisent le hadith de Mu'adh qui se prosterna devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le saluer, car il avait vu les mécréants saluer leur maître de cette manière. Le prophète lui dit, « Si j'avais pu ordonner à quelqu'un de se prosterner pour un autre qu'Allah, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. » Ils disent donc qu'il ne fut pas mécréant, bien qu'il s'est prosterné pour un autre qu'Allah. La réponse à cela. Mu'adh n'a pas commis de polythéisme dans ce hadith. Alors comment cela serait-il un argument en votre faveur? Cette prosternation n'était pas une adoration, mais un salut. Et ce genre de prosternation n'est pas du polythéisme. Et c'était même une chose permise dans les anciennes lois. Et Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam. Et lorsque nous dîmes aux anges « prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa et s'enfla d'orgueil et fut au nombre des mécréants. Sourate 2, verset 34. Or Allah n'ordonne jamais d'adorer un autre que lui, et aucun musulman ne diverge sur ça. Cela prouve que la prosternation de salutation n'est pas une adoration. De ce fait, le hadith de Mu'adh n'a aucun rapport de près ou de loin avec la question de ceux qui font du grand polythéisme. L'argument du hadith de Datanwat, l'imam Tirmidhi rapporte dans son sunan. D'après Abi Waqid al-Layti, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortit pour l'expédition de Khaybar, passa à côté d'un arbre des idolâtres, appelé Datanwat, auquel ils accrochaient leurs armes. Nous dîmes alors, ô messager d'Allah, donne-nous un Datanwat, comme cela. Ont un Datanwat. Le prophète dit alors, gloire à Allah. Ceci est comme ce que le peuple de Moussa a dit, donne-nous un dieu, comme cela ont des dieux. Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous allez suivre les coutumes de ceux d'avant vous. Abu Asa dit que ce hadith est bon et authentique. Certains disent que ce hadith est une preuve que le musulman, qui par ignorance, commet du grand polythéisme. Il reste musulman car ses compagnons ont demandé d'avoir un autre dieu qu'Allah, et pourtant le prophète ne les a pas traités de mécréants et ne leur a pas demandé de refaire leur islam. La réponse. Les compagnons dans ce hadith n'ont pas commis de grand polythéisme, ni n'ont voulu en commettre. Alors en quoi ce hadith serait-il un argument en votre faveur? Voici les avis des savants au sujet de ce hadith. L'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a précisé dans de nombreux ouvrages qu'il s'agissait non pas du shirk akbar, mais bien de shirk asrar, du petit shirk. Première citation. Il dit dans Kitab al-Tawhid, le chapitre 8, sur le fait de rechercher la bénédiction auprès des pierres et des arbres. Il mentionna les thèmes soulevés par le hadith de Datanwat et mentionna lors du 11e thème qu'il y a dans le shirk du majeur et du mineur, car ils n'ont pas apostasié à cause de cela. Analyse. Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit « car ils n'ont pas apostasié pour cela ». Et l'expression « car » en arabe est une justification en d'autres termes. Le hadith prouve que le shirk se divise en majeur et mineur, parce que les compagnons n'ont pas apostasié par leur demande. Cela prouve que leur demande était du shirk mineur et non du shirk majeur. Sinon, ils auraient apostasié à cause de cela. Deuxième citation, il dit « Quant au shirk qui ne peut provenir d'un croyant sans le savoir, tout en s'efforçant à suivre le commandement d'Allah et de son messager, alors j'ose espérer que cela ne l'exclut pas de la promesse. D'ailleurs, ce genre de choses surgit des compagnons, comme lorsqu'ils juraient par leur père, ou par la Kaaba, ou encore lorsqu'ils dirent « ce qu'Allah veut et ce que Mohammed veut », ou encore « donne-nous un Datanwat ». Mais lorsque la vérité lui apparaît, il la suit et ne se met pas à controverser par fougue païenne en faveur des doctrines des ancêtres et des traditions. Quant à celui qui prétend l'islam tout en commettant les pires shirks après que les versets d'Allah lui soient récités et qu'il s'enorgueillit, ceci n'est pas un musulman. Quant à celui qui les commet par ignorance et qu'il ne peut trouver quelqu'un pour l'orienter et qu'il n'a pas pu rechercher la science qu'Allah a révélée à son messager, mais au contraire est resté dans sa terre et a suivi ses désirs, celui-là, je ne sais quelle est sa situation. Analyse. Le shirk a classé le fait de demander un Datanwat dans la même catégorie que de jurer par les ancêtres ou de dire ce qu'Allah et ce que Mohammed veulent. Or, toutes ces choses sont du petit shirk, shirk asrar, comme le mentionnent les savants. Troisième citation. Il dit encore en mentionnant Ibn Taymiyyah au sujet de Dhat al-Wat. Et il dit dans Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et lorsque ses propos, qu'Allah prit sur lui et le salut, concernaient le simple fait de vouloir un arbre pour y accrocher les armes et s'y recueillir, que dire de ce qui est pire que cela? Le shirk, même avec les tombeaux et les choses comme ça? Analyse. Ici, le shirk mentionna Ibn Taymiyyah, sans le reprendre en quoi que ce soit, que les gens de Dhat al-Wat avaient demandé une simple ressemblance des mécréants, sans avoir atteint le niveau du shirk même. Conclusion. Tous les textes de Mohammed ibn Abd al-Wahhab s'accordent pour considérer que la nature de la demande de ses compagnons dans l'histoire de Dhat al-Wat fut du petit shirk et une imitation des mécréants sans atteindre le degré du grand shirk, shirk majeur, annulant l'islam. Si la demande d'un Dhat al-Wat était du petit shirk, pourquoi serait-il devenu mécréant s'il l'avait tout de même pris après l'interdiction du prophète? Ici on dit alors, mais si ce qu'ils ont voulu faire était du shirk asrar? Il est pourtant bien connu que celui qui fait du shirk asrar ne sort pas de l'islam, même après que la preuve soit établie. Alors pourquoi l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab a dit que s'il l'avait fait, il serait devenu mécréant? La réponse est que le but que cherchaient les compagnons en prenant un Dhat al-Wat, c'est de satisfaire Allah et de se rapprocher de lui. Or, s'ils avaient tout de même voulu adorer Allah par ce moyen-là, alors qu'ils savent que le prophète leur a interdit, c'est qu'ils ne veulent pas se soumettre au commandement du prophète, ni à la loi qu'il amène d'Allah. Ce principe, Ibn Taymiyyah nous l'explique en disant « Et l'adoration d'Allah ne peut se faire qu'en obéissant à Allah, et ceci s'accomplit en obéissant au messager qu'il envoie. Dès lors, celui qui obéit au messager a en fait obéi à Allah. En effet, tout messager fut envoyé avec une loi. S'y conformer, lorsqu'elle est en vigueur, c'est ça l'islam. Alors que ce qui a été modifié par les créatures, ceci n'est pas l'islam. Et lorsqu'Allah y abroge quelque chose, alors ce qui a été abrogé n'est plus de l'islam. Comme par exemple lorsqu'il fallait se tourner vers Jérusalem lors des prières. Au début de l'exil, pendant une dizaine de mois, il fut ensuite ordonné de se tourner vers la Kaaba. Et les deux directions étaient islam dans leur période respective de vigueur. Mais une fois abrogé, se tourner vers Jérusalem n'était plus de l'islam. Et seule la direction de la mosquée sacrée devait être prise par celui qui prie. Et à partir de là, quiconque veut prier dans une autre direction que celle-là, il n'est plus dans la direction de l'islam, car il veut adorer Allah d'une manière qu'elle n'en a pas commandée. Et c'est la même chose concernant toute invention religieuse s'opposant aux ordres du messager d'Allah. Soit c'est une modification apportée de toute pièce pour une créature qu'Allah n'a jamais prescrite, soit c'est une chose qu'Allah avait prescrite puis qu'il a abrogée, comme par exemple le fait de prier vers Jérusalem. Quant à celui qui contredit ce que l'on sait être un enseignement venu du messager d'Allah, c'est un mécréant sans aucune divergence. Et il dit, la mécréance ne peut qu'être soit démentir le messager d'Allah dans ce qu'il informe, ou alors soit de refuser de se conformer à son enseignement tout en sachant qu'il dit la vérité, comme ce fut la mécréance de Pharaon, des Juifs et ceux du genre. Quiconque veut adorer Allah d'une autre manière que celle que le prophète a enseignée, après l'avoir su, c'est un mécréant. Le Cheikh Mohammed Abdelrahman El-Mubarak Fawri mentionna la vie de l'imam Nawawi dans son commentaire de Sunan et Tirmidhi sur le hadith de Dhat al-Wat. El-Jawzi dit dans Al-Nihaya, c'est le nom d'un arbre bien précis qui appartenait aux idolâtres, auquel ils accrochaient leurs armes et autour duquel ils se recueillaient. Ils lui demandèrent alors de leur demander la même chose. Et il le leur interdit. Et Anwat est le pluriel de Naut, qui est un nom verbal que l'on donne à ce à quoi on accroche des choses. Fin de citation. Gloire à Allah, par purification envers Allah est étonnant. Ceci, c'est-à-dire ce que vous venez de dire, et comme ce qu'ont dit le peuple de Moussa, donne-nous un dieu, comme cela ont des dieux. Cependant, il n'échappe à personne la différence qu'il y a entre les deux, que l'on déduit de cette comparaison, car l'objet de comparaison était pire. Vous suivrez les traditions de ceux d'avant vous, et dans la version d'Abu Saïd al-Khudri, selon al-Bukhari, vous suivrez les traditions de ceux d'avant vous, en pan par en pan, même s'ils entreraient dans un terrier de lézards, vous les y suivriez. Nous dîmes au messager d'Allah, sont-ce les juifs et les chrétiens? Le prophète dit, qui d'autre? Et Al-Hakim le rapporta d'après Ibn Abbas, avec à la fin, même si l'un d'entre eux forniquerait avec sa femme en chemin, vous le feriez. El-Munawi a dit, ces rapporteurs sont authentiques, et la tradition, linguistiquement parlant, désigne le chemin que l'on suit, qu'il soit bon ou mauvais. Et ce qui est visé ici est la voie des gens des passions et des hérésies, qu'ils innovent d'eux-mêmes après leurs prophètes, comme modification de leur religion, et le trafic de leurs livres, comme cela arriva aux fils d'Israël. Et An-Nawawi a dit, ce qui est visé ici est le fait de se conformer aux péchés et aux contradictions, et non pas à la mécréance. Et dans ce hadith, nous trouvons un miracle évident du messager, que la paix d'Allah soit sur lui, car ce qu'il a annoncé s'est réalisé. Analyse. Le Cheikh Mohamed El-Mubarak Fawri a clairement stipulé qu'il y a une différence évidente entre la demande des compagnons et celle des fils d'Israël. L'imam El-Nawawi a clairement stipulé que ce hadith parle d'imiter les mécréants dans les péchés et les hérésies, et non dans la mécréance. L'imam Shatibi, il considéra la demande de ses compagnons comme une simple ressemblance à l'adoration de fausses divinités, sans en être pour autant. Il dit, et ce que nous indique la deuxième chose, c'est qu'il dit, nous dîmes, ô messager d'Allah, donne-nous un datanouat, comme eux ont un datanouat. Le prophète répondit, ceci est semblable à ce qu'ont dit les fils d'Israël, donne-nous une divinité, jusqu'à la fin du hadith. Effectivement, le fait de prendre un ouat ressemble à prendre une divinité en dehors d'Allah, mais ce n'est pas la même chose. Analyse. L'imam Shatibi a ici clairement stipulé que ce qu'ont demandé ses compagnons n'est pas la même chose que de demander d'adorer une fausse divinité. Or, s'ils n'ont pas demandé d'adorer de fausses divinités, ils n'ont donc pas demandé de shirk majeur. Ibn Taymiyyah. Première citation. Il dit dans l'Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et lorsque les idolâtres avaient un arbre auquel ils accrochaient leurs armes, qu'ils appelaient datanouat, certains gens dirent, ô messager d'Allah, donne-nous un datanouat, comme leur datanouat. Il dit, Allah est le plus grand, vous avez dit la même chose que le peuple de Moussa, donne-nous un dieu comme ils ont des dieux. C'est une coutume, vous suivrez les coutumes de ceux d'avant vous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les condamna pour le simple fait de ressembler aux mécréants en prenant un arbre duquel ils se recueillent et accrochent leurs armes. Que dire alors de ce qui est pire que de ressembler aux idolâtres? N'est-ce pas l'idolâtrie même? Analyse. Ibn Taymiyyah considéra que le shirk est pire que de ressembler aux mécréants et que la demande des compagnons fut moins grave que le shirk. Deuxième citation. Il dit dans un Majmou' al-Fatawa. Quant aux arbres, aux pierres et aux puits et les choses comme ça, où certaines populaces vont accrocher des morceaux de tissu ou autres, ou prennent des feuilles d'arbre comme moyen de prendre la baraka, ou prier auprès de cet arbre, etc. Tous ceux-ci sont des hérésies condamnables, et ce sont des coutumes païennes et des causes pouvant amener à donner des associés à Allah. Et les idolâtres avaient un arbre sur lequel ils accrochaient leurs armes, qu'ils appelaient datanouat. Alors des gens dirent, ô messager d'Allah, donne-nous un datanouat, comme cela, ou un ont un datanouat. Il dit alors, Allah est le plus grand, vous venez de dire comme le peuple de Moussa, dit à Moussa, donne-nous un dieu, comme ceux-là ont des dieux. C'est certes une coutume. Vous suivrez la coutume de ceux d'avant vous, empan par empan, coudé par coudé, au point que si l'un d'entre eux entrait dans le terrier, dans les arbres, vous les suivrez. Au point que si l'un d'entre eux copule avec sa femme dans la rue, vous le ferez. Et Omar ibn al-Khattab entendit dire que les gens voulaient faire la prière auprès de l'arbre sous lequel se passa l'allégeance de la satisfaction rendue envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ordonna alors qu'on abatte cet arbre. Et tous les savants de la religion se sont entendus pour dire que celui qui fait vœu d'adorer dans l'un de ces endroits, il ne lui sera pas obligatoire d'honorer son vœu et qu'il n'y a aucun mérite d'y pratiquer des cultes. Analyse. Ibn Taymiyyah considéra que le fait de rechercher la bénédiction au moyen des arbres, d'y accomplir des prières vouées à Allah, sont du domaine de l'hérésie, pouvant aboutir au shirk majeur. Et il compara à ces choses-là la demande des compagnons, donne-nous un datanouat. Cheikh Abd al-Latif, Ibn Abd al-Rahman est le cheikh. Il dit, alors si le messager, que les honneurs et les salutations d'Allah soient sur lui, a condamné leur simple demande de ressembler à ceux qui donnent des associés à Allah dans le fait de se recueillir et d'accrocher des armes pour chercher la bénédiction. Que penses-tu alors de ce qui est pire que ça encore? Le shirk majeur, interdit par Allah, et dont il annonça que si la meilleure et la plus dévote créature le commettait, toutes ses œuvres seraient annulées et qu'il se transformerait alors en un injuste. Et ainsi, il n'est pas rapporté d'un seul salaf avant le XIIe siècle de l'Hégire que ses compagnons auraient demandé un arbre pour l'adorer, ou en croyant que cet arbre a le pouvoir de bénir et de causer le bien et le mal. Mais tous les savants ont mentionné que leur demande était du petit shirk, shirk mineur, n'invalidant pas l'islam, et qu'ils voulaient que la bénédiction vienne d'Allah au moyen de cet arbre.